Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2020, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. À toute la population de la MRC de Maria-Chapdelaine, joyeux Noël et bonne année! Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-979-7812. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Donc, l'année, c'est l'entrevue que j'aime le plus faire à la fin de l'année. Une des entrevues les plus intéressantes, c'est le bilan dans le monde du sport. Comment qu'on a traité le monde du sport en 2019? Et qui de mieux que Jean-François Dumas d'Influence Communication pour nous en parler? Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François, l'année 2019, j'imagine encore une fois, ça a été dominé par les Canadiens? Oui, ben, ça a été d'abord dominé par le sport, ouais. Et à vrai dire, depuis les 20 dernières années, c'est l'année où, toute proportion gardée, on a fait le plus de sport au Québec, okay. Dans les médias, et pourtant, c'est pas une année olympique. Mm. Comment on explique ça? C'est en bonne partie grâce à la montée du tennis, la popularité du tennis. D'ailleurs, ouais. La troisième nouvelle la plus populaire et la nouvelle de sport numéro un cette année, c'est la finale de la Coupe Rogers, okay. La performance d'Andrescu, entre autres. Ensuite, on a beaucoup parlé de basketball avec les Raptors qui ont été champions. On a parlé beaucoup plus de golf qu'à l'habitude, beaucoup plus de boxe, de sorte qu'on a diversifié notre offre de sport, notre intérêt pour le sport, ce qui en soi est une très bonne nouvelle. Oui, le Canadien est encore la valeur dominante dans le sport, mais pour ceux qui disent qu'on parle trop du Canadien, parce que même des amateurs de sport, il y en a qui disent qu'on parle trop du Canadien, ben, le Canadien, depuis 20 ans, n'a jamais eu aussi peu de part de marché médiatique sportif que cette année. C'est-à-dire que, normalement, depuis 20 ans, quand on fait la moyenne année après année, le Canadien occupe autour de 57% du sport, okay. Et cette année, c'est juste 41%. Oh, bonne diminution. Évidemment, il faut parler que les Canadiens, en faisant pas les séries, ça nuit. Puis, il ne fait pas les séries, il n'y a pas eu de grosses transactions. Mm. Oui, on a parlé d'eux autres au repêchage, mais grosso modo, c'est pas une année médiatiquement exceptionnelle pour le Canadien, donc une chute d'intérêt. Ça occupe encore le haut du pavé, c'est encore l'équipe professionnelle dont on parle le plus, mais l'offre, de façon générale, en fait, quand on regarde, on compare le Canadien, on a parlé plus de tous les autres sports réunis que du Canadien. C'est parce une que le Canadien a juste 41% du sport. Fait qu'en soi, le Canadien, c'est une mauvaise année en termes de part de marché de sport pour le CH. 57%, c'est une baisse de 16% par rapport à 2018, c'est ça? Non, par rapport à la moyenne depuis le début des années 2000. Okay. Quand on compare à 2018, okay. le Canadien occupait 44% des nouvelles du sport. Là, il est à 41. Donc, depuis 3 ans, depuis 3-4 ans, le Canadien n'arrête pas de baisser. Okay. Et baisse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est en bonne partie dû au fait que le Canadien fait à peu près jamais les séries. C'est dû aussi au fait que le Canadien, il n'y a pas de grandes transactions, il n'y a pas de grands coups d'éclat, il n'y a pas de scandale non plus, parce qu'entendons-nous, dans les médias, lorsqu'il y a une grande controverse, un scandale, évidemment, ça anime les lignes ouvertes, ça anime les médias. Les médias aiment ça. Pas juste quand ça va bien, mais quand ça va mal et quand c'est croustillant. Et depuis une couple d'années, ben, il se passe pas grand-chose d'exceptionnel du côté du Canadien. L'histoire que les médias, ça on en parle souvent, parce que je vous en ai parlé d'ailleurs aussi, là. Les animateurs de radio disent tout le temps, oui, mais si on parle pas du Canadien, les lignes ouvertes, on n'aura pas d'appel. Moi, ce que la montée des Raptors, la montée de Bianca, ça prouve à quelque part, à quelque chose que Si on parle de d'autres sports, les gens vont s'en intéresser aussi, là. Oui, ben oui, oui. Puis je veux dire, on n'est pas moins intelligent que les Ontariens. Puis les Ontariens s'intéressent à d'autres choses aussi. C'est pour ça que c'est très sain qu'on diversifie notre intérêt et qu'on parle de d'autres sports. Bianca Andreescu, d'ailleurs, on lui a attribué le titre de recrue de l'année médiatique, recrue médiatique de l'année. En 2019, parce que dans les nouveaux visages, parce que il faut dire que Bianca a bénéficié de 500% plus de médiatisation qu'il y a un an. C'est sûr. Ça, déjà, ça aide. Mais malgré ça, c'est ça qui est étonnant, c'est malgré ça, individuellement, elle a été moins médiatisée qu'à peu près tous les joueurs du Canadien. OK. Ah, c'est sûr. Basketball a dû monter terriblement aussi, parce qu'on a parlé des Raptors terriblement. Vous parlez de 500% d'augmentation combien les Raptors, la NBA, est-ce que vous l'avez compté, ça? Oui, j'ai pas le chiffre devant moi, mais oui, un accroissement très important. En fait, entendons-nous, avant cette année, le basketball au Québec, c'était pas sur le radar. Non, pas du tout. Oui, vraiment, les mordus, les fans, là, les drogués de basketball en parlaient, s'y intéressaient, avec raison. Sauf que, globalement, quand on comparait aux autres sports, le basketball, ça n'existait à peu près pas. Cette année, il y a eu un regain d'intérêt. Je vous dis pas que ça va être de même chaque année, mais c'est sain. C'est sain, c'est très positif de diversifier notre intérêt, qu'on s'intéresse, qu'on parle de d'autres choses. Et parce qu'il faut que les gens comprennent que les médias sont très frileux. Les médias ont peur, surtout au Québec, ont peur d'offrir un contenu, à un moment donné, qui désintéresse les gens, puis que de perdre leur auditoire. Ouais. Et comme le Québec, c'est comme un village, c'est bien petit, tout le monde parle la même affaire dans le même angle, de la même façon. Fait que quand tout le monde parle du Canadien, tout le monde parle du Canadien. Ouais. Ben là, en Ontario et dans le reste du Canada, on va s'intéresser à plus de sports, plus de nouvelles. On polarise moins autour des mêmes nouvelles, des mêmes sujets. Et au Québec, on est un peu chicken. Mais là, voir ce changement-là cette année, je trouve ça extrêmement positif. Est-ce que du côté du Canada anglais, vous avez les chiffres de... C'est les livres ce qui mène, j'imagine, comparativement aux Raptors. Est-ce que vous avez tout ça? J'ai pas ça avec moi, mais oui, les Maple Leafs, mais le hockey de la Ligue nationale. Pour vous donner une idée, le Canadien, quand on compare, le Canadien actuellement, 41% du sport au Québec, c'est le Canadien de Montréal. En Ontario, 40% du sport, c'est le hockey de la Ligue nationale. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la nuance. Tandis que nous autres, c'est pas le hockey de la Ligue nationale. Quand le Canadien est sorti des séries, on perd 66% de notre intérêt pour le hockey de la Ligue nationale. Fait que, dans le fond, c'est pas le hockey qu'on aime, c'est le Canadien de Montréal. Ouais. Si le Canadien joue à la pétanque, on serait tous des fans de pétanque. C'est pas le sport qui nous intéresse, c'est l'émotion, le show de télé-réalité qu'on vit à tous les jours avec le Canadien. Mais est-ce que vous sentez un écœurement pareil des gens, parce que là, on dit que moi, je pense pas qu'ils fassent les séries cette année, donc on sent un essoufflement du Canadien, puis ça se voit dans les billets aussi, là. La vente de billets au Centre Molson, au Centre Bell, c'est-à-dire c'est plus difficile à vendre aussi, là. On dit ça à chaque fois. T'sais, ça fait longtemps qu'on surveille ça. Ça fait longtemps qu'on surveille tout ce qui se dit sur le Canadien, les nouvelles en général. Et je vous dirais que ça prend juste 3-4 bonnes victoires du Canadien pour que tout d'un coup, on ait envie de leur donner la Coupe Stanley. Ouais. Autre chose à mentionner, peut-être, est-ce que le retour des expos, parce qu'on en a parlé beaucoup, est-ce que le baseball occupe une certaine place encore? Oui, un peu moins actuellement. Mais je vous dirais qu'il n'y en demeure pas moins que très régulièrement aux États-Unis, l'histoire des expos, le retour des expos ou ce que les expos ont réalisé avec dans leur histoire, il y a régulièrement des reportages, il y a comme un regain d'intérêt qui est lié avec l'éventualité de revoir les expos dans la Ligue nationale de baseball. Donc en soi, je sais pas si c'est un signe, mais c'est encourageant. Ça démontre qu'il y a de plus en plus d'intérêt à l'égard du baseball. Ça, j'aime ça. Ce que j'aime également, en termes de sport, c'est la montée de l'impact. Parce que le soccer, depuis quelques années, gagne de l'intérêt auprès du public, mais auprès des médias également. L'impact, c'est le deuxième sport dont on parle le plus. Mais en comparaison, le Canadien, c'est 40-41%. L'impact, c'est entre 8 et 10%. Donc, vous voyez, le deuxième, il y a une grosse différence avec le premier. Les Alouettes, il y a dû avoir une augmentation parce que c'est très positif aussi cette année, là. Oui, une grosse augmentation. En fait, les Alouettes étaient en bas de la moitié de 1%, puis actuellement tournent autour de 2-3%. Donc, c'est une grosse augmentation. On est loin de l'impact, on est loin du hockey de la Ligue nationale, on est très, très loin du Canadien, mais il y a un regain d'intérêt. Maintenant, il faut bâtir là-dessus. Il y a toutes sortes d'incertitudes autour de l'avenir des Alouettes. À qui va appartenir les Alouettes? Comment va se construire les Alouettes? Est-ce que le succès des Alouettes cette année, c'est un feu de paille? Et est-ce que ça va se reproduire dans les prochaines saisons? Donc, il y a un paquet de questions auxquelles il faut répondre et qui vont permettre aux gens d'adhérer et d'avoir du fun avec cette équipe-là, de bâtir un sentiment d'appartenance. Bâtir un sentiment d'appartenance avec une équipe qui gagne une fois de temps en temps, qui a des noms qu'on connaît pas et qui n'ont pas de propriétaire, c'est plus difficile. Mais à partir du moment que les Alouettes vont avoir des assises solides, les gens vont avoir de plus en plus envie d'adhérer à cette équipe-là et de devenir des fans mordus, et ça va faire monter l'intérêt médiatique pour l'équipe. L'impact, on dit que c'est sur les blogs, c'est sur le Facebook, c'est sur les Twitter et ainsi de suite, que c'est plus médiatisé. Est-ce que vous confirmez ça aussi? Ben en fait, dans les médias sociaux, il y a les militants, les grands fans de soccer sont très, très, très présents. Mais dans les médias traditionnels, il y a de plus en plus d'intérêt parce que nos données ne concernent pas les médias sociaux. Okay. C'est uniquement les médias traditionnels, c'est-à-dire les journaux, le web, les magazines, la radio et la télévision. Okay. Et l'impact constitue la deuxième propriété sportive la plus médiatisée au Québec. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour l'impact. Cependant, il faut continuer de bâtir là-dessus que l'impact, encore une fois, donne aux gens de l'espoir, donne envie d'y croire. Ça, c'est une chose. L'autre chose également, qui pour moi est un signe important et qui va faire en sorte dans les prochaines années que les médias vont amener les gens de plus en plus à s'intéresser à l'impact et au soccer, c'est que actuellement, les médias parlent de l'impact, mais parlent à peu près jamais des adversaires de l'impact. Ouais. C'est difficile de créer un engouement et de créer un moment de l'antagonisme ou créer une compétition avec les autres équipes. On ne sait pas contre qui ils jouent. On n'a jamais les résultats des autres matchs. On connaît pas à part quelques vedettes dans la ligue, on connaît très peu leurs adversaires. Donc, tu sais, la chicane entre Pat Charity et Zdeno Chara pendant des années, au soccer, on voit pas ça parce que les médias en parlent pas encore. Donc, on est loin encore de créer un engouement profond, mais ça s'en vient. On sent année après année qu'il y a des assises solides, des bases solides et qu'il y a un intérêt qui croît et qui a surpassé. Parce qu'il y a quelques années, l'impact et les Alouettes, c'était nez à nez. Mais quand les Alouettes sont mis à planter du nez et que l'impact s'est mis à construire avec l'arrivée de Drogba et les différentes vedettes qui sont arrivées dans l'équipe, ben on voit que l'impact, c'est du solide et qu'année après année, ils bâtissent leur équité de marque dans les médias. OK. Moi, je vais vous parler également de évidemment, vous parlez de ça, puis je vous confirme un peu que la NHL, c'est un peu la même affaire avec le hockey. On parle pas beaucoup de l'alignation, on parle beaucoup du Canadien. Oui. C'est beaucoup ça. Mais je pense que du côté de l'impact, il y a du travail à faire pour les communications. Parce que moi, pour faire affaire avec eux autres, c'est très difficile. Puis je sais qu'à Montréal, les gens ont de la misère, les médias ont de la misère aussi à communiquer avec l'impact. Donc ils ont du travail à faire. La NFL, en terminant, est-ce que c'est couvert un peu? Est-ce que vous avez vu une augmentation là-dessus? Ou la NFL est constituée quand même. C'est un intérêt important. Je vous dirais qu'au Québec, d'ailleurs, on est une province de NFL et de Super Bowl bien avant la Coupe Grey, bien avant la Ligue canadienne de football. Et c'est étonnant parce que quand on compare l'intérêt au Québec comparativement au reste du Canada, au Québec, quels que soient les succès des Alouettes, à moins que les Alouettes se rendent en finale de la Coupe Grey, mais quels que soient les succès, généralement, on s'intéresse 6 fois plus à la NFL qu'à la Ligue canadienne de football. Au Canada anglais, c'est exactement l'inverse. On s'intéresse plus, de façon générale, dans l'Ouest canadien, à la Ligue canadienne de football qu'à la NFL. Ouais. Donc, au Québec, là, on est vraiment une province de en termes de football, une province de NFL. Cependant, là où il y a de quoi d'amusant, c'est que pas cette année, mais dans les 2 dernières années, au Québec, notre intérêt pour le football universitaire avait même surpassé notre intérêt pour les Alouettes. Alors, il était temps que les Alouettes aillent un peu mieux. Alors, parce que le football universitaire, c'était une valeur négligée, mais avec la montée d'équipes universitaire et la popularité d'équipes universitaires à Montréal et à Québec, ben ça a créé créé de l'intérêt, et ça, c'est intéressant. Tout ça, ce que ça vient faire, ça vient contribuer, encore une fois, à diversifier notre intérêt et à parler d'autre chose que les mots, les bobos de Carey Price. Effectivement. Monsieur Dumas, très intéressant. Merci beaucoup. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année, parce que là, on est le 31 décembre, donc je vous souhaite une bonne année. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, puis bien intéressant de vous parler. Puis beaucoup de bonnes nouvelles de sport. Ah, regarde, on a eu une belle année. Pour les sportifs, on a eu une belle année. Bianca Andreescu, les Raptors, pour un mordu de sport, là, c'est l'idéal. Ah, absolument. Puis peut-être que l'année prochaine, on aura bien du fun avec Cole Caulfield. Félix Auger-Aliassime aussi, peut-être. Donc, oui, c'était Jean-François Dumas d'Influence Communication.